La présente cassette est un montage de trois séquences, qui sont trois aspects de l'instruction initiatique de Bernard de Montréal. Dans la première partie, Bernard de Montréal aborde les lois de l'initiation solaire, de la fusion de l'esprit avec l'ego jusqu'à l'étape d'intégration, c'est-à-dire l'harmonie réalisée entre l'esprit et l'ego de l'homme. La première question que je lui posais lors de cette interview fut la suivante. Bernard de Montréal, à quel moment de son évolution l'homme commencera-t-il à prendre le contrôle de sa vie? Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'évolution, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle de vie où l'homme commencera lentement à prendre le contrôle de sa vie. Ça veut dire quoi, prendre le contrôle de sa vie? Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de son énergie créative, de son énergie interne, de son esprit, ou de ses forces en lui qui sont occultes, cachées, et qui travaillent subtilement à l'utilisation ou à travers son centre mental, son centre émotionnel. Donc l'homme doit devenir un maître de la vie. Il doit devenir de plus en plus vibrant à son énergie. Et ceci requiert qu'il y ait dans ses composants psychologiques, dans les composants de son émotion, de sa mentalité, un changement irréversible. Et quand je dis un changement irréversible, je dis ce changement qui fait en sorte que l'ego demain ne sera plus le même. L'ego demain sera dans sa clarté, dans la netteté de son intelligence, dans la lucidité de son intelligence, et il ne pourra plus fonder sa conscience expérimentale existentielle sur une convenance sociale qui fait partie de l'ancienne race humaine. Et c'est pourquoi l'ego qui se conscientisera au cours des prochaines générations sentira le déchirement. C'est inévitable. C'est pourquoi je dis qu'il y a aujourd'hui sur la Terre une initiation solaire qui n'est plus véhiculée par des hommes, mais qui est véhiculée par l'esprit dans l'homme. Et ceux qui ont la sensibilité, qui sont suffisamment évolués pour supporter le choc de cette énergie, en arriveront éventuellement à vivre la métamorphose de l'ego, la métamorphose de leur conscience, et pénétreront graduellement dans la fusion de leur intelligence. Alors si la fusion permettait de donner un sens à l'expérience de vie de l'homme, est-ce que cela veut dire pour autant que ça serait supprimer sa souffrance? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, par exemple, chez les gens qui sont en cours de fusion? Est-ce que ce serait la souffrance? Est-ce que ces gens-là vont être capables de s'en débarrasser un jour? Pourquoi la souffrance? Oui, la souffrance, elle est inévitable parce que l'homme qui se conscientise ou qui parvient à vivre de son intelligence créative est obligé de laisser de côté, laisser derrière lui l'intelligence conceptuelle qui est fondée sur la mémoire. Il est obligé aussi, en deuxième lieu, de subir le choc de pénétration de l'énergie de son propre esprit, ce qui altère son corps mental, son corps émotionnel, ce qui a un effet sur sa vitalité. Donc, l'homme qui se conscientise ne vit pas sa vie simplement psychologiquement, il la vit psychologiquement et à la fois vibratoirement, c'est-à-dire qu'il devient conscient d'une énergie qui le pénètre. Et comme il prend conscience de la multidimensionnalité de son être, c'est-à-dire qu'il prend conscience de la relation entre les événements sur le plan matériel et l'origine ou la cause de ces événements sur les plans invisibles qui font partie des plans de son esprit, il commence à voir une interconnexion entre ce qu'il vit existentiellement et ce qu'il vit sur le plan de l'événement. Et étant conscient pour la première fois de la multidimensionnalité de son expérience, il s'aperçoit que la volonté de vivre, la liberté de vivre qu'il possédait auparavant, était une volonté ou une liberté assujettie à une ignorance, c'est-à-dire assujettie à une condition d'entendement qui ne relevait pas de son esprit, mais qui relevait de son intellect, de son expérience, de la limitation de ses sens. Donc, automatiquement, l'ego est forcé de réaliser, éventuellement d'admettre, qu'il y a en lui une présence, qui est son propre esprit, dont la puissance énorme crée en lui une perturbation. Lorsque l'esprit de l'homme est prêt à faire la fusion avec le mortel, il se produit chez le mortel une transmutation de ses corps qui amène à un développement de conscience, donc à une perturbation de sa relation entre ce que lui croit être réel et ce que la réalité est en fait absolue. C'est ce qui crée la souffrance. C'est la réalité qui s'impose. C'est la réalité de l'homme qui s'impose à l'irréalité de l'homme. Donc il y a déplacement dans l'irréalité de l'homme, il y a souffrance à cause de ceci. Parce qu'un homme qui est conscient de sa réalité, qui est dans sa réalité, n'a plus à souffrir parce qu'il y a eu ajustement entre sa réalité et lui-même, entre son esprit, son énergie et lui-même. À ce moment-là, il y a automatiquement une harmonie sur son plan de vie terrestre et il ne souffre plus parce que sa conscience est trop grande. Elle englobe la particularité événementielle de sa conscience. Pour lui donner une compréhension profonde de la relation entre l'événement et son esprit. Et comme l'esprit fait partie de la lumière de l'homme, comme l'esprit fait partie de l'intelligence de l'homme, comme l'esprit c'est l'essence de l'homme, l'homme vit l'événement essentiellement, donc il enlève à l'événement la fortuité existentialiste pour lui donner le caractère absolu, transformationnel, qui lui donne inévitablement une conscience nouvelle. Donc sa souffrance n'est plus, comme dans le passé, une souffrance purement expérimentale pour le bénéfice de sa mémoire. Elle devient une souffrance transformationnelle pour le bénéfice de sa conscience. Mais au tout début de son expérience de fusion, lorsque l'esprit prend contact avec l'intellect ou avec l'ego ou avec le mortel, la personne ne doit pas pouvoir identifier l'esprit. C'est beaucoup trop vague, l'esprit. Comment est-ce qu'elle peut identifier un contact? Elle l'identifie graduellement au fur et à mesure que la nature même de ses pensées change. Lorsque l'esprit prend contact avec l'homme, il se produit d'une façon particulière à chaque individu une identification quelconque avec son esprit. Et ceci se fait sur les plans subtils de l'esprit, donc sur le plan mental de l'homme. Et avec le temps, l'expérience, l'homme s'aperçoit qu'effectivement, son esprit, c'est lui, sur un autre plan. Mais est-ce qu'au départ, il ne va pas lui donner d'autres étiquettes Oui, parce qu'au départ, l'homme n'étant pas encore parfaitement en contrôle de son expérience, n'étant pas encore parfaitement assis sur le vaste domaine du relationnel entre son esprit et lui-même, il est obligé de prendre un certain temps pour s'ajuster. Et c'est cet ajustement-là qui amène l'homme à dépasser les voiles spirituelles, parce que l'homme a tendance à spiritualiser son contact ou le contact avec son esprit. Et cette spiritualité fait partie naturellement de l'émotivité à son mental. Et avec le temps, il dépasse cette condition spirituelle et inévitablement, la fusion grandit, inévitablement, le choc devient plus intense, la rébellion de l'homme se fait de plus en plus profonde, et lorsque l'homme est arrivé à un très très haut niveau de fusion, il est capable de se rebeller contre son esprit. Mais lorsqu'il se rebelle contre son esprit, ce n'est pas contre son esprit qu'il se rebelle, il se rebelle contre les outils utilisés par son esprit, qui sont les événements et les pensées. Donc à ce moment-là, il épure énormément son corps émotionnel, il transforme énormément son corps mental, et éventuellement, il devient très lucide, c'est-à-dire qu'il est capable de capter instantanément la relation entre lui et son esprit, l'intention de son esprit. Et quand l'homme est capable de capter l'intention de son esprit, il est dans son esprit, il y a une fusion entre lui et son esprit, il y a automatiquement, chez l'homme, le développement d'une conscience universelle, qui est proportionnelle à l'évolution de son esprit. Maintenant, quant à vous, Bernard, vous n'avez jamais été très éloquent concernant votre propre expérience dans ce domaine. En conférence, je vous ai rarement entendu faire le récit de ce que vous avez vécu personnellement. comment vous avez vécu cette fusion? Est-ce que vous avez souffert vous-même? Oui, j'ai souffert énormément. J'ai vécu ce que j'appelle le martyr mental, c'est-à-dire que j'ai vécu à la limite de mon mental pendant 14 années. J'ai vécu pendant 14 années la lutte entre mon ego et mon esprit. Mais étant supporté par mon esprit, autrement dit, ayant un corps mental suffisamment solide pour supporter le choc de mon esprit, je pouvais, pendant des années, constamment mettre mon esprit à l'épreuve. Mettant mon esprit à l'épreuve, ça me permettait inévitablement d'en arriver un jour à corriger la différenciation entre mon esprit et mon ego. Si je mettais mon esprit à mon épreuve, autrement dit, si mon esprit fait partie de moi, si mon esprit c'est mon essence, je peux faire ce que je veux avec le matériel de vie que me propose mon esprit expérimentalement pour la transmutation de mes corps. Okay. Mon esprit se décide à un certain moment de mon évolution de fusionner avec moi, avec le mortel, avec mon corps physique. Bon, ça fait partie de la décision, de l'intention de mon esprit. Mais moi, Bernard de Montréal en chair et en os, l'homme qui possède un système nerveux, l'homme qui a des limites sensorielles, l'homme qui a une très grande sensibilité, l'homme qui est réceptif à cette énergie, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va se laisser martyriser par son esprit. Alors, selon le pouvoir de son esprit, selon le pouvoir de mon esprit, je pouvais supporter un certain martyr. Mais c'est là que s'installe la révolte dont vous aviez fait allusion. C'est là que s'installe la révolte. Donc, éventuellement, la révolte s'est installée parce que, éventuellement, au cours des années, je vous assure que j'ai perdu ma spiritualité. Je suis rentré dans une conscience objective de l'irréel ou de l'irrationnel ou de l'invisible. Donc, avec le temps, j'ai commencé à reconnaître les signes avant-coureurs de la précédence de ma relation avec mon esprit. J'ai commencé à réaliser que l'homme n'est pas sur la terre pour son esprit, mais que l'esprit est pour l'homme. J'ai commencé. Et de temps à autre, je communiquais avec mon esprit dans une lutte mentale, et je disais à mon esprit, écoute, moi je ne suis pas ici pour subir ta présence en moi d'une façon interminable et dans la souffrance. Je suis ici pour éventuellement équilibrer ta présence en moi, pour que toi et moi ensemble, nous puissions faire sur le plan matériel quelque chose. Et lorsque j'ai saisi ceci m'a pris un certain nombre d'années, au moins 7-8 années. Quand j'ai saisi ceci, j'ai commencé à être et à vivre à la fine pointe de mon intelligence. Non pas de mon esprit, à la fine pointe de mon intelligence créative. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à arracher à mon esprit les secrets de sa domination, les secrets de sa présence, les secrets de son évolution, les secrets de l'évolution du cosmos, les secrets de la mort, les secrets de tout ce qui fait partie du monde de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme nouveau, possède en lui une clé qui n'a jamais été révélée par l'esprit à l'homme, mais que l'homme devait arracher à l'esprit, afin de s'instruire de sa relation avec l'esprit, afin de ne plus être assujetti à l'esprit comme il le fut pendant l'évolution. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir ce que c'est que ça veut dire d'être bien dans sa peau. Ce que c'est que ça veut dire d'être heureux sur la terre. Ce que c'est que ça veut dire d'être parfaitement dans l'équilibre de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai commencé à réaliser ce que nous appelons la fusion, mais non pas dans le caractère occulte de sa définition, mais dans le caractère expérimental de sa finition. Et après la fusion, je me suis aperçu qu'il y a une intégration. La fusion, c'est une chose, parce que la fusion, c'est une forme de possession. Les hommes qui sont inconscients sont possédés par leur esprit à travers tout le mécanisme de l'âme. Les hommes qui se conscientisent sont possédés par leur esprit à travers la spiritualité de l'âme. Et l'homme qui a été éprouvé énormément et durement par son esprit passe du stade de la fusion à l'intégration. Et quand l'homme est arrivé à l'intégration de cette fusion, il devient absolu dans sa conscience. c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de vérifier instantanément avec son esprit la justesse de sa parole, la justesse de son acte. Donc, il y a parfaite harmonie entre l'invisible et le matériel, il y a parfaite harmonie entre l'esprit et le mortel, il y a automatiquement parfaite harmonie dans le processus créatif qui naît de l'activité de l'esprit, bien ajusté au mental, bien ajusté à l'émotionnel, bien ajusté au vital et bien ajusté au physique. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'est-ce que c'est être un homme sur une planète. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'il fait partie, non pas simplement d'une race différente, mais d'une conscience nouvelle. C'est à partir de ce moment-là que le doute n'existe plus dans l'homme. Et quand le doute n'existe plus dans l'homme, il explose en lui la conscience du réel qui est manifestée créativement par sa parole et qui est le produit de sa relation étroite avec un esprit qui ne peut plus le berner. La conscience créative, ce n'est pas ce que les hommes spirituels aujourd'hui croient. La conscience créative ne vient pas à l'homme ainsi, avec facilité. La conscience créative est le produit de la lutte de l'homme avec son esprit pour la conquête du monde de la pensée. Lorsque l'homme a réussi à conquérir le monde de la pensée en éliminant dans la pensée l'émotion, il s'aperçoit inévitablement qu'il y a une relation parfaite entre son essence et sa substance, entre son esprit et son corps matériel. Donc, il y a intégration, unitisation de l'homme et qu'il y a parfait raccordement entre l'invisible et le matériel. À partir de ce moment-là, l'homme commence une nouvelle évolution et avec le temps, selon les conditions, le bon vouloir, les besoins cosmiques de l'esprit en relation avec l'évolution d'une race matérielle sur une planète matérielle, les pouvoirs de l'homme grandissent, l'ego n'est plus là pour bénéficier égocentriquement de ses pouvoirs, il y a canalisation de l'énergie, il y a ajustement entre l'énergie et l'action de l'homme, et il y a inévitablement une science cosmique qui viendra dans le monde manifester le pouvoir de l'esprit sur la terre. C'est ça qu'on peut appeler le début de la conscience, de la descente de la conscience supramentale sur la terre. Mais la conscience supramentale, ce n'est pas fini. Après la conscience supramentale de l'homme, il y a la conscience parfaite de l'esprit de l'homme à travers le mental ou le supramental humain. Si l'homme n'a pas conscience parfaite de l'utilisation de la pensée pour le travail dans son mental, il ne peut pas éventuellement coordonner son activité avec son essence, il ne peut pas bénéficier de son esprit qui l'enseigne. C'est pourquoi après la fusion, il y a l'intégration. Et l'intégration, c'est la finalité. L'intégration, lorsqu'un homme est intégré, il n'a plus à rechercher, il n'a plus à comprendre, il parle, il crée, il fait, il dit, et ce qu'il fait est parfaitement en équilibre, donc est le résultat de l'activité créative de son esprit à travers son ego. Et à partir de quel moment l'homme peut-il commencer à lever le voile sur le mystère? Est-ce que c'est au moment de la fusion ou de l'intégration? Non. L'homme commence à lever le voile sur le mystère à partir du moment de l'intégration. Parce que pendant la fusion, l'homme est donné des voiles. Il y met des voiles sur son chemin pour qu'il les déchire. L'esprit, dans son intelligence, est obligé de mettre des obstacles pour que l'homme déchire. Il met des obstacles pour qu'il déchire, il met des obstacles pour qu'il déchire. Et éventuellement, lorsque l'homme a déchiré, éventuellement, il n'y a plus rien à déchirer. Quand il n'y a plus rien à déchirer, c'est l'intégration. Et à ce moment-là, il y a un équilibre cosmique entre le planétaire et le cosmos, entre l'homme et l'esprit. Et la volonté de l'homme et la volonté de l'esprit est la même. L'intelligence de l'homme et l'intelligence de l'esprit se fondent. Et l'amour de l'homme et l'amour de l'esprit deviennent un. Donc à ce moment-là, l'homme bénéficie des trois principes cosmiques qui font partie de son essence, l'amour, l'intelligence et la volonté. Mais il ne souffre plus de l'intelligence, il ne souffre plus de la volonté et il ne souffre plus de l'amour. La deuxième partie de cet enregistrement devrait permettre à l'homme de se situer face au travail initiatique, face à la parole de Bernard de Montréal, qu'il faut comprendre en fonction de la vibration et non de la forme. Puisque je vous parle en tant qu'initié, c'est-à-dire que puisque je vous parle en fonction d'une conscience qui est sans aucune restriction, le produit de l'activité de mon esprit sur mon ego, que je vous dis quand je vous parle, il faut que vous le laissiez pénétrer lentement. Il ne faut pas que vous essayiez de comprendre, de vous situer personnellement vis-à-vis de ce que je vous dis. C'est jamais ce que je vous dis qui compte, pour le moment. Pour le moment, ce qui compte, c'est que je vous parle. Si vous prenez ce que je vous dis à la lettre, si vous essayez de comprendre, de vous situer vis-à-vis de ce que je vous dis en fonction de votre psychologie, c'est évident que vous ne pourrez pas en arriver un jour à saisir les nuances subtiles de votre propre esprit avec votre propre ego. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer des attitudes philosophiques quelconques, ou des mécanismes psychologiques quelconques, en relation avec ma parole. Ma parole, c'est un couteau à deux tranchants. Je ne montre jamais par ma parole ce que je veux dire. C'est jamais dans ma parole que vous découvrirez ce que je vous dis. C'est jamais dans ma parole que vous pourrez comprendre ce que je veux dire. La parole d'un initié, c'est comme de l'eau qui tombe un petit peu partout. Des fois, il y a une goutte d'eau qui tombe à un point sensible du terrain pour faire pousser de l'air. C'est pas comme l'eau qui descend d'une chanteleuse, concentrée dans un espace. C'est totalement diffus. C'est totalement vibratoire. C'est pas catégorique, c'est pas cartésien, c'est pas philosophique, c'est pas psychologique, c'est pas spirituel. C'est totalement occulte. C'est-à-dire que c'est totalement voilé. Donc, quand je m'adresse à vous autres dans des conférences où je semble soulever des aspects de la vie, des comportements humains vis-à-vis de la vie, des comportements de l'ego vis-à-vis de l'esprit, ce qui compte, c'est pas la force que prend la parole quand je parle. Ce qui compte, c'est la vibration qui s'installe et qui demain, dans un certain temps, vous amènera à regarder ou à voir ou à sentir ou à percevoir quelque chose en fonction de votre propre expérience, qui peut-être n'a rien à faire avec ce que je dis ce soir ou dans telle ou telle conférence. C'est totalement vibratoire. Si vous vous attelez à ce que je dis, surtout dans des domaines subtils, dans des domaines personnels, dans des domaines qui conviennent à votre expérience, et que vous prenez la soupe pour la saveur, c'est évident que vous ne pourrez pas absorber ce que je dis. Vous allez faire des erreurs. Vous allez vous créer des contraintes. Quand je vous parle, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous parle. Je sais pourquoi est-ce que je vous parle. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je sais quand je vous le dis. Donc, automatiquement, je réfléchis instantanément pour un besoin qui est quelconque, qui est occulte, que je sais si je me le demande, que je peux étudier si je le veux, que je peux expliquer si c'est nécessaire, mais qui ne réfléchit pas le besoin chez vous de le comprendre d'une façon didactique. Plus je confronte la réalité de l'art avec la réalité de ce qu'il parle, plus c'est nécessaire pour l'art de ne pas s'atteler à la part et de simplement vivre la vibration. C'est la vibration qui compte, pas la force. La vibration, elle, par exemple, fera dans son temps, dans chacun de nous autres, le travail qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle ouvrira des portes à la compréhension de l'ego vis-à-vis son propre esprit. C'est la vibration, c'est pas la force. Alors, je vous le dis parce que quand je parle en fonction d'un terrain d'expérience qui est personnel, qui est subtil, qui est extrêmement varié, qui n'est pas catégoriquement joint à une doctrine, à ce moment-là, c'est à vous autres de prendre ça bien aisé et de ne pas vous impliquer psychologiquement dans ce que je dis. Pour vous autres, c'est bien important. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais ce que je dis. Mais ce que je dis, où ça va tomber, qu'est-ce que ça va faire, ça, ça fait partie de l'ivresse. Ça, ça fait partie du travail initiatique. Ça fait partie de ma capacité de révéler des aspects, des voiles de la conscience planétaire de l'homme, que l'homme comprendra, vivra dans son temps. Sans ça, vous allez devenir toute croche. Il ne s'agit pas pour nous autres de devenir croche, il s'agit pour nous autres de devenir de plus en plus réel. Et le réel ne convient pas à l'ego. Le réel ne fait pas partie de l'ego. Le réel traverse l'ego. Un jour, vous comprendrez ça. Que le réel traverse l'ego. Il ne convient pas à l'ego. Le réel ne convient jamais à l'ego. Il ne conviendra jamais à l'ego, le réel. Parce que le réel fait partie du monde mental de l'esprit. Il ne fait pas partie du monde réflectif de l'ego. L'évolution d'une race vers une autre, la transition d'une race vers une autre, l'intégration d'une nouvelle race, la conscientisation de l'homme sur la Terre, nécessite la restructuration du sol à l'intérieur duquel l'homme a vécu pendant des millénaires. On n'a pas de choix. Alors, ce qui caractérise l'homme nouveau, l'homme de demain, c'est sa capacité d'en arriver un jour à être d'abord lucide et avoir la volonté pour exprimer sa lucidité. Tout le reste, c'est une forme ou autre d'affabulation de l'ego. On vit à la fin d'un âge. On vit à la fin d'une période. Ce qu'on a pensé pendant la période antécédente ne vaudra plus demain. Non pas parce que c'est pas bon ce qu'on pense, mais parce que demain on sera autre chose. Demain, l'homme sera autre chose. Il commence déjà à être autre chose. Demain, l'homme vivra à partir du front. Il ne vivra plus à partir du plexus solaire. Il utilisera simplement le plexus solaire pour performer certaines actions. Donc, l'homme vivra à partir du front. Et quand l'homme vivra à partir du front, sa conscience sera différente, donc sa vie sera différente. Donc, les conditions, les qualités, les aspects philosophiques, psychologiques de sa vie seront autres. Il n'y en aura plus de philosophie dans sa tête. Il n'y en aura plus de psychologie dans sa tête. Il y aura simplement dans sa tête de la volonté et de l'intelligence. On gravite lentement vers ça, malgré nous-mêmes. Donc, ce que je vous dis, surtout quand je traite de sujets délicats, c'est pas pour vos deux oreilles, pour votre esprit. Pour réveiller en vous, pour faire vibrer en vous votre esprit qui, en conséquence, fera vibrer votre ego. L'esprit, c'est télépathique. L'ego, c'est rébarbatif. C'est toujours rébarbatif, l'ego. Ça l'a toujours été, puis ça va l'être tant que l'homme ne sera pas arrivé dans un niveau de conscience supérieur. L'ego, c'est rébarbatif. On veut vivre une conscience universelle, on veut vivre une conscience globale, totale, perfectionnée, et en même temps, on veut bénéficier du soulagement psychologique qu'on se donne égoïquement vis-à-vis de cette conscience-là, c'est une illusion. C'est une illusion. Vous ne pouvez pas mystifier la pensée. Indéfiniment. Un jour ou l'autre, elle va se démystifier la pensée. Puis quand elle va se démystifier la pensée, vous allez vivre au niveau de votre volonté et de votre intelligence d'une façon différente que vous vivez aujourd'hui. En attendant, vous pouvez la mystifier, votre pensée. Ça fait partie de vos attributs. Mais un jour, vous ne pourrez plus la mystifier, votre pensée. Autant aujourd'hui, vous avez un centre d'intériorité égoïste, autant un jour, vous n'aurez plus. L'esprit, c'est la puissance de l'homme, c'est la puissance dans l'homme. L'ego n'est qu'une lentille. Aujourd'hui, on pense que l'ego, c'est l'esprit. L'ego n'est pas l'esprit. L'ego, c'est l'ego. L'esprit, c'est l'esprit. Il y a une partie qui est cosmique, une partie qui est planétaire. Donc, dans l'instruction initiatique que l'homme reçoit, il y a effectivement des aspects qui sont au-delà de la réalisation de l'ego, et ça fait partie du travail initiatique de l'esprit à travers l'homme pour la conscientisation de l'ego à travers les expériences de l'homme. L'esprit n'enseigne pas à l'homme, l'esprit instruit l'homme. Instruire veut dire corriger les aberrations de l'intellect, corriger les aberrations de l'ego intellectualisé, corriger les aberrations du mental inférieur, c'est ça instruire. Enseigner, c'est amplifier les aberrations de l'ego. Plus l'homme va avancer sur la terre dans sa conscience, plus il va se transformer, donc plus il vivra différemment demain qu'il vit aujourd'hui. Donc les conditions aujourd'hui qui sont pour lui inévitablement correctes dans un certain sens, ou sérieuses dans un certain sens, ou pleines de conséquences dans un certain sens, demain elles ne le seront plus. Selon l'âge, selon le tempérament, selon le caractère, selon l'évolution, selon la souffrance, selon l'expérience, selon la volonté, selon l'intelligence, selon la fusion, selon l'intégration de la fusion. Ce qu'on pense aujourd'hui, demain, on le verra différemment. Et ce qu'on pensera demain, on le reverra encore différemment après-demain. C'est ça la transmutation du corps astral de l'homme et du corps mental inférieur de l'homme. Donc, ce que je vous dis, attachez-y pas d'importance. Si vous y attachez d'importance, vous développerez des attitudes. Mais ce sont des façons, pour moi, de vous indiquer dans le temps que quand vous serez arrivé à la fourche de l'expérience, il y aura une droite ou une gauche à prendre et vous devrez savoir si c'est la droite ou la gauche à prendre. Et vous faites plaisir, je ne peux pas me complaire à vous parler pour vous enseigner, je ne peux pas me complaire pour vous parler dans le rythme normal de votre propre intellect. Je suis obligé de vous parler comme je vous parle. Vous êtes libre de le prendre ou pas le prendre. Mais ça ne change rien à ma vie que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas. Ce qui est important, c'est que ce soit parlé. Un jour, si vous réalisez certaines choses, à ce moment-là, ben, vous comprendrez en fonction de la vibration de ce que j'aurais dit, mais non pas en fonction de la forme. La forme, c'est simplement un transport pour l'énergie. Je suis occulte. Je ne peux pas parler pas occultement. Je suis occulte. Tout ce que je dis, c'est occulte. Autrement dit, tout ce que je dis, ça ne se comprend pas la plupart du temps. Et c'est justement parce que ça ne se comprend pas la plupart du temps que ça se comprend demain. C'est ça, occulte. Voilé, caché. N'essayez pas de rendre concret et occulte. N'essayez pas de l'adapter à votre condition aujourd'hui. Il ne pourra pas s'adapter. Vous n'avez pas la même longueur de pied aujourd'hui que vous aurez demain. Donc, ce ne sera pas les mêmes filles. Mon travail, c'est fondé sur la création dans l'homme, dans l'ego, de certains chocs. Je parle, donc je crée des chocs. Les chocs sont plus ou moins grands selon votre capacité de les absorber sans mettre votre pied dans votre tête. On dirait que l'homme ne réalise pas l'importance dans la vie de vivre. Il sait. C'est important de vivre, ça donne quelque chose de vivre, ainsi de suite. Alors vous remarquez que quand vous êtes jamais sorti de votre pays, vous allez dans un pays étranger, ça vous change un petit peu. Ça change. Le premier voyage que vous avez fait dans votre vie, là, en dehors de votre région natale, ça change. Bon, ben imaginez-vous que chaque pays que vous faites, ça vous change de même. Chaque expérience que vous vivez, ça vous change de même. Donc, un homme qui est capable de bénéficier ou d'apprécier le changement qui est créé par les impressions quand il vit, puis qu'il vit, puis il vit, puis il vit, ben à ce moment-là, il passe son temps à créer des impressions, à se donner des impressions. La vie, c'est ça. La vie sur la terre, c'est ça. Que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans un autre domaine, la vie, c'est créer des impressions pour se nourrir mentalement, se nourrir émotivement, même se nourrir vitalement et physiquement. C'est ça, la vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va voir des films. Ah, Indiana Jones, tout le monde voit ça, Indiana Jones. Et le Temple of Doom, ça marche là-dedans, comprends-tu? Le gars, il l'a, il gâte, puis il va être dans, c'est le fun, ça roule. Sors de là, là t'es déprimé. T'es exilé un petit peu, là, parce que t'es encore dans la vibration astrale, puis après ça, là. C'est comme les gars qui vont voir Bruce Lee, t'sais. Tant que soit en théâtre avec Bruce Lee, ils sont safe. Mais quand ils sont rendus salut, Bruce Lee meurt. Il continue plus à vivre l'intensité vibratoire de l'impression. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de créer. Fait qu'ils vont en créer une fausse. Tu vas sentir toute la violence psychologique autour du théâtre quand tu sors. Là. Tout le monde veut se garocher les points et les pattes. Faut que tu fasses attention à comment tu parles aux gars. Ça, c'est l'exagération du moment. C'est pas dangereux, ça. Tes étampes vite. Mais dans chaque être humain, il y a un homme qui veut prendre forme, il y a un homme qui veut se manifester, il y a une femme qui veut se manifester, il y a un être qui veut se composer et se recomposer et se recomposer. Et si vous n'apprenez pas dans votre vie à vous recomposer, quand même vous viendriez dans mes conférences pendant toute votre vie, ça ne vous donnera rien parce que vous n'aurez pas compris le principe fondamental de la vie mortelle, c'est d'exercer le plus possible le pouvoir de l'esprit dans la matière.